les hommes n'ont pas accès à la sainteté. Ils ne peuvent pas rendre quelque chose saint. Seul Dieu peut le faire. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 16, Dieu dit « Vous serez saints, car je suis saint ». Nous sommes appelés à passer d'un état de pécheur rebelle à un état de sainteté en Dieu. Et si nous voulons obéir à cet ordre, nous devons tout d'abord comprendre la sainteté de Dieu. C'est à cette tâche que nous nous attaquerons dans l'émission d'aujourd'hui. Plusieurs d'entre nous hésitent même à contempler sérieusement le sujet de la sainteté de Dieu. Pourquoi? Parce que la sainteté parfaite de Dieu expose d'une façon embarrassante notre propre inaptitude. Cependant, l'amour de Dieu et son influence sur notre vie devraient au contraire nous rapprocher de notre Dieu avec une soif qu'il est le seul à pouvoir désaltérer. Voici Charles Stanley. Pourquoi les gens cherchent-ils à éviter Dieu? Pourquoi veulent-ils le maintenir à distance? Pourquoi veulent-ils le mettre sur une voie de garage? Pourquoi les gens deviennent-ils mal à l'aise, impatients et même colériques quand nous abordons le sujet avec eux? Pourquoi les gens haïssent-ils parfois Dieu? Pourquoi éprouvent-ils de tels sentiments quand nous leur disons que Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde et de bonté? D'où viennent toutes ces attitudes négatives? Je crois que ce genre de réaction est attribuable à un aspect du caractère de Dieu, un aspect dont les gens ne veulent pas entendre parler et auquel ils ne veulent même pas penser. Il s'agit de la sainteté de Dieu. Nous allons parler de cela dans ce message intitulé « Connaître le Dieu saint ». Un des sujets principaux de la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, est la relation entretenue entre Dieu et le peuple d'Israël. Après le règne du roi Salomon, la tribu de Juda s'est séparée du reste du peuple. Pendant les quelques siècles de son existence, Juda était gouverné par des rois. L'un de ses meilleurs, appelé Ozias, a accédé au trône à l'âge de 16 ans et a régné pendant 52 ans. Comme cela se produit souvent, le gouvernement d'Ozias était, à ses débuts, un gouvernement honnête. Ozias prenait au sérieux son métier de roi. Il a par exemple fortifié les murs de sa capitale, Jérusalem, augmenté son armée et étendu son royaume. Toutefois, pendant les dernières années de son règne, la corruption a fait son œuvre. Grisé par sa richesse et sa puissance, Ozias est devenu très orgueilleux. Un jour, alors qu'il se trouvait au temple, il se mit en tête d'assumer des prérogatives que Dieu avait réservées aux grands prêtres et aux sacrificateurs. Et quand on chercha à l'en empêcher, il devint enragé. Or, au paroxysme de sa fureur, alors qu'il hurlait sa colère, Dieu le frappa et son visage devint en quelques secondes celui d'un lépreux. On craignait la lèpre à cette époque. Ozias finit par conséquent ses jours dans une maison isolée. C'est à cette époque que paraît Ésaïe, un des plus grands prophètes envoyés par Dieu avant la venue de Jésus-Christ sur la terre. Lisons Ésaïe chapitre 6, verset 1er. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les versets suivants décrivent l'action de certains des êtres les plus étranges de la création. Il s'agit des séraphins. La Bible les appelle des anges de feu. Ils n'y sont mentionnés qu'une fois dans le passage qui suit, Ésaïe chapitre 6, versets 2 à 8. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, c'est-à-dire de Dieu. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Essayons d'imaginer la scène. Ésaïe adore Dieu dans le temple de Jérusalem quand tout à coup, Dieu se révèle à lui dans une vision. Cela ne signifie pas qu'il a vu Dieu face à face, car aucun homme ne l'a jamais fait, et aucun homme ne pourrait le faire et continuer à vivre. Or, à ce moment précis, Ésaïe a un aperçu de la gloire de Dieu. En réaction à cela, le prophète prend absolument et douloureusement conscience de son propre péché, de son indignité. Dans un état proche de la panique, il confesse ses péchés et reconnaît qu'il est indigne de paraître devant Dieu et d'être dans sa présence. C'est dans ce contexte que nous allons parler aujourd'hui de la sainteté de Dieu. Nous commencerons par ces simples questions. Qu'entendons-nous par la sainteté de Dieu? Comment pourrait-on la définir? De quoi s'agit-il? La sainteté de Dieu contient deux aspects. Premièrement, la sainteté de Dieu concerne sa pureté morale. Cela veut dire que Dieu est absolument et parfaitement sans péché. Il ne se trouve aucun mal en Dieu, aucune mauvaise motivation, ni aucune action mauvaise. Dieu ne fait jamais rien de mal. Il éprouve une profonde aversion pour toute forme de mal et de péché. Bien qu'il n'éprouve aucune haine envers le pécheur, il est ce que le pécheur fait. Dieu réprouve toute forme de péché car il connaît la puissance destructrice du péché dans la vie d'une personne. En d'autres mots, c'est parce que Dieu aime l'homme et qu'il veut son bien, qu'il est prêt à tout pour le débarrasser de son péché. C'est parce qu'il veut notre bien qu'il nous appelle à lui. Dieu désire faire de nous ses enfants. Et toute personne entretenant une relation authentique avec le Dieu Tout-Puissant vous dira que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Dieu veut pour notre vie ce qu'elle peut nous apporter de meilleur. Dieu a un plan pour notre vie. C'est un plan de bénédiction et non de malheur ou d'esclavage. Or, le péché nuit à ce plan et constitue un obstacle aux bénédictions que Dieu nous réserve. Le péché nous fait rater le meilleur de ce que Dieu a envisagé pour nous. C'est pourquoi Dieu peut en même temps aimer le pécheur et haïr le péché. Il veut chasser le péché de notre vie afin que nous puissions profiter pleinement de la vie. Dieu ne peut tolérer le péché pour une autre raison. De toute éternité, la nature de Dieu est absolument parfaite, pure et sans péché. Dieu ne peut donc pas tolérer le péché, le considérer, le reconnaître ou nier sa réalité. Le pardon de Dieu ne revient pas à dire qu'il a fermé les yeux sur la réalité du péché. Dieu a réglé la question du péché et en même temps, il a enlevé l'obstacle qui s'érigeait entre lui et l'homme. Quand nous parlons de la sainteté de Dieu, nous parlons de sa pureté morale. Tout en lui est absolument pur à un degré que nous ne saurions comprendre ou même imaginer présentement. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 5, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Quand la Bible parle de lumière, nous devons comprendre qu'il est question de la parfaite et absolue pureté morale de Dieu. Rien en lui n'est corrompu, en aucune façon. Parce que nous sommes venus dans ce monde avec une nature pécheresse, nous ne pouvons appréhender la nature pure et sainte de Dieu que jusqu'à un certain degré. Or, Dieu est absolument et totalement pur. Il est au-dessus du péché, quelle que soit sa forme. Dans une société qui accueille souvent avec dérision toute notion de moralité, l'idée d'un Dieu possédant un jugement moral peut surprendre. Pourtant, elle faisait partie de son caractère. La Bible nous l'apprend dès le début de la création, comme on peut le voir dans Genèse, chapitre 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Voilà donc quel est l'aspect moral de la sainteté de Dieu. Or, la sainteté de Dieu n'implique pas seulement sa pureté morale. Deuxièmement, la sainteté de Dieu concerne la séparation. Cela signifie que Dieu est séparé du mal et de tout péché. Dieu est transcendant, c'est-à-dire qu'il est élevé au-dessus et au-delà de toute chose terrestre. Il est au-dessus et au-delà de tout être humain. Il est le souverain de l'univers. Sa sainteté, sa pureté et sa justice sont au-dessus et au-delà de tout ce qu'un homme peut imaginer. Dieu est séparé de l'homme par sa sainteté. Il ne peut tolérer le péché. Il ne peut nier la présence du péché chez l'être humain à cause de sa sainteté. Et à cause de sa justice, Dieu doit affronter la désobéissance et la rébellion de l'homme sous toutes ses formes. Les saints de l'Ancien Testament reconnaissaient ce fait, car Dieu exigeait continuellement la reconnaissance de sa sainteté et le châtiment du péché de son peuple. Il était prêt à détruire tout membre de son peuple qui se détournait des voies de la sainteté. Nous avons un exemple frappant de ce que j'explique quand on voit le peuple se détourner de Dieu pour adorer des idoles. Dieu affirme alors, « Je suis un Dieu jaloux. Je suis celui qui vous a libéré du pays d'Égypte. Je suis celui qui vous ai donné cette terre promise. Je suis celui qui pourvoit vos besoins. Vous devez donc m'adorer, moi et moi seul. » Le Dieu Tout-Puissant, Yahweh, est le seul à avoir toujours existé et qui existera éternellement. Il est le seul à mériter notre adoration, notre louange et notre honneur, car il est le seul à être absolument parfait, pur, saint et séparé de toute chose existant sur la surface de cette terre. Cependant, quand les hommes blasphèment le nom de Dieu, ils ne reconnaissent pas sa loi. Certaines choses sont saintes. Or, comment les gens réagissent-ils à la sainteté de Dieu? Comment Ésaïe a-t-il réagi? Les Écritures rapportent que lorsqu'Ésaïe a vu le Seigneur assis sur son trône, il a réagi avec révérence. Relisons Ésaïe 6, verset 1. « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Nous pouvons conclure qu'Ésaïe était imprégné d'un mélange de révérence, d'humilité et de crainte quand il répond au verset 5. « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Devant la magnifique présence de Dieu, devant sa sainteté, tout ce qu'Ésaïe souhaitait, c'était confesser son péché et son indignité. Au verset 7 et 8, Dieu répond à ce sentiment de culpabilité d'Ésaïe par l'intermédiaire de son ange. « Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » En reconnaissant la sainteté de Dieu, Ésaïe approuvait la souveraineté de Dieu sur sa vie. Et bien qu'il se soit senti indigne et inapte devant la question de Dieu, devant la possibilité que Dieu consente à l'utiliser, quelle a été sa réaction immédiate? « Me voici, envoie-moi. Seigneur, si tu peux employer cet ignoble instrument, envoie-moi. » Voilà en quoi consistait la réaction d'Ésaïe. Comment les non-croyants, ces gens qui ne connaissent pas personnellement Jésus-Christ comme leur Sauveur, réagissent-ils devant la sainteté de Dieu? Comment pensent-ils? « Ne viens pas me vendre tes salades. Tu empiètes sur mon espace personnel. Ne me parle pas de Dieu et encore moins de ton Christ. Ne me casse pas la tête avec ta Bible. » Où est le problème? Quand une personne est rebelle, la sainteté de Dieu la rendra très mal à l'aise. J'appelle cela de la chaleur sainte. Bien trop chaude pour être manipulée. Imaginons que vous alliez travailler et que vous discutiez avec vos collègues. Puis, vous commencez à leur parler de Jésus. Que font-ils alors? Ils sont sur leur garde et ils ne veulent pas en parler. Ils vous diront souvent, « Je ne discute jamais de politique et je ne discute jamais de religion. » Ce n'est pas vrai. Je peux vous garantir qu'ils sont tout à fait prêts à parler de politique et de religion, mais seulement quand ils sont avec des gens qui sont d'accord avec eux. Pourquoi? Je le répète. Quand quelqu'un est récalcitrant à l'autorité, la vérité le dérange et le rend très mal à l'aise. Prenons un autre cas de figure. Admettons qu'une personne a accepté Jésus-Christ à un moment de sa vie, mais qui, depuis, a choisi de se révolter contre Dieu. Elle vit à présent en dehors de sa volonté. Comment pensez-vous qu'elle réagira si vous lui parlez de Dieu? De la même façon. En effet, lorsque vous avez décidé de ne tenir aucun compte de la volonté de Dieu dans votre vie, s'il y a une chose dont vous ne voulez absolument pas discuter, c'est bien de la sainteté de Dieu. Quand vous vivez dans le péché, le message que vous voulez le moins entendre, c'est le message de la sainteté de Dieu. Que vous soyez un chrétien refroidi ou simplement rebelle à l'autorité de Dieu, vous ne voulez pas en entendre parler. Pourquoi? À cause de la chaleur sainte. La vérité nous met mal à l'aise, elle nous dérange. Quand une personne vit sous la domination du péché, quand elle lui a cédé le contrôle, quand elle a abdiqué devant sa nature pécheresse en préférant vivre diaboliquement, elle attaquera tout ce qui est saint. Elle ridiculisera et elle combattra tout ce qu'elle considère désormais comme un obstacle à sa liberté personnelle. Or, tous ses efforts pour abaisser la sainteté de Dieu seront vains et ils n'affecteront en rien la sainteté des enfants de Dieu. Cela veut-il dire que nous sommes parfaits? Loin de là. Nous sommes des saints qui trébuchons et qui tombons. Nous sommes des saints en formation. Dieu travaille présentement en nous. Il raffine notre sainteté et il continuera de le faire jusqu'au moment où il nous rappellera à lui. À présent, posons-nous la question suivante. Comment une personne désirant obéir à la volonté de Dieu marche-t-elle dans ses voies et lui obéit-elle? Comment réagit-elle à la sainteté de Dieu? Rappelez-vous la réaction du prophète Ésaïe. Nous devons être impressionnés, subjugués et saisis par la sainteté de Dieu. Elle doit nous forcer à nous agenouiller devant lui, à nous humilier devant lui et à reconnaître que nous sommes indignes de prononcer son nom ou de recevoir sa grâce. Nous voulons alors l'adorer et le glorifier. Nous voulons mettre les talents dont il nous a dotés à sa disposition. Nous voulons répandre son message de salut et de pardon dans le monde. Nous voulons nous soumettre à sa volonté. Nous voulons que la sainteté domine notre vie et règne en nous. Nous voulons marcher dans l'obéissance. Nous voulons laisser paraître notre sainteté aux yeux de tous, afin que ceux qui éprouvent le besoin de connaître Jésus-Christ voient en nous quelque chose dont ils ont besoin dans leur propre vie. Les gens réagissent à Dieu de toutes les manières. Ma façon de réagir à la sainteté de Dieu, au message de sa sainteté dans mon cœur, quand soudainement je me trouve en sa présence et en présence de sa sainteté, m'indique quel est mon degré d'intimité avec le Seigneur. C'est le meilleur baromètre pour savoir où en est ma relation avec le Dieu Tout-Puissant. Et en gardant tout ceci à l'esprit, nous pouvons maintenant répondre à la grande question. Comment un Dieu très saint et un homme pécheur, méchant et vil peuvent-ils être réunis alors que la sainteté de Dieu nous sépare? Il n'existe qu'une seule façon, et il n'en a toujours existé qu'une seule. Quel est le pont qui permet de rapprocher l'homme pécheur du Dieu très saint? La réponse à cette question ne vient pas d'une religion ou d'une invention humaine. Elle nous a été donnée par Dieu et révélée dans sa parole, la Bible. Peu importe votre arrière-plan ou vos croyances, je ne vous fais pas part de mon opinion, mais de la vérité enseignée par Dieu. Il n'existe qu'une seule façon de réunir le Dieu saint et l'homme pécheur. Cette unique façon, c'est la croix de Jésus-Christ. Cette croix est le seul pont capable de franchir le fossé entre l'être humain et Dieu. Voyons maintenant comment Dieu a élaboré son plan pour sauver l'humanité. La justice de Dieu exige que le péché de l'homme soit jugé. Cela signifie que, sans la croix de Christ, il n'y aurait aucun espoir pour l'humanité. Nous serions séparés de Dieu pour l'éternité. Nous serions, pour l'éternité, l'objet de sa colère, une colère suscitée par la rébellion et le péché de l'homme. Fort heureusement, si Dieu est infini dans sa justice, il est également infini dans son amour. Il a placé sur son Fils Jésus-Christ le péché de l'humanité tout entière et il lui a fait subir le châtiment réservé aux pécheurs. Jésus-Christ a porté pour nous la colère de Dieu qui nous était réservée. Il a supporté ce que nous méritions. La dernière chose que nous voulons subir, c'est la justice de Dieu. Nous désirons plutôt sa grâce, nous désirons son amour et sa miséricorde. Jésus-Christ est mort en se substituant à nous pour payer la dette de nos péchés. Et une fois sa justice rendue, Dieu s'est tourné vers l'homme avec le message suivant. « Mon Fils a maintenant entièrement payé la dette de ton péché. Il a subi ta punition à ta place. Mon Fils a accepté et expérimenté mon jugement, ma condamnation, ma justice et ma colère. » Sur la croix, je me suis séparé de lui et il a supporté le châtiment de ton péché afin que tu n'aies pas à le faire. Et maintenant que tout cela est accompli, j'ai une œuvre à te faire. Si tu es prêt à reconnaître ton péché, si tu es disposé à admettre que tu es indigne, sans ressources et sans espoir devant le Dieu très saint et souverain, si tu consens à confesser tes péchés devant moi, si tu me demandes pardon, non pas en tenant compte de tes bonnes actions, ni en me promettant de faire mieux à l'avenir, mais en te basant sur ce que mon Fils Jésus-Christ a fait pour toi sur la croix. Il est mort pour toi. Il a payé entièrement la dette de ton péché et a subi ma colère, ma condamnation et mon jugement à ta place. Tu seras sauvé. Si tu es prêt à l'accepter personnellement comme ton sauveur et à déclarer « Je te demande pardon pour mes péchés et je fais confiance à Jésus-Christ en tant que sauveur », alors j'exécuterai un jugement de justice sur toi en te déclarant non coupable. Je te justifierai et en tant que juge de toute l'humanité, je déchargerai tes épaules de toute culpabilité. Sommes-nous coupables? Oui, Dieu nous a créés pour le servir et à chaque fois que nous faisons passer nos propres intérêts avant les siens, nous péchons contre lui. Comment alors peut-il nous déclarer non coupables et être divinement juste? Parce qu'il a fait subir à son Fils Jésus-Christ le juste châtiment de nos péchés. Jésus-Christ est le Messie né d'une vierge, annoncé par les prophètes plusieurs siècles avant sa venue sur la terre. Jésus-Christ est le seul être qui a marché sur cette terre sans jamais avoir péché, car s'il avait péché, il aurait fallu qu'il meure pour son propre péché. Or, comme il n'avait lui-même jamais péché, il pouvait mourir pour nos péchés. Il a été notre bouc émissaire. Il nous a ainsi justifiés. Et à partir du moment où nous avons été justifiés, nous avons été déclarés non coupables. Notre péché est pardonné. Nous sommes libérés des conséquences de notre péché. Nous devenons instantanément enfants de Dieu. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous sommes en sécurité pour l'éternité, puisque nous sommes maintenant sous la protection de l'amour immortel, immuable, inconditionnel et éternel du Dieu Tout-Puissant et Très-Saint. Voilà en quoi consiste la sainteté de Dieu. C'est pourquoi la croix, un instrument de supplice, dégradant et atroce, représente un signe de libération qui a survécu aux époques et aux cultures diverses. Il durera jusqu'au retour du Christ sur terre. Toutefois, La croix est aussi la raison pour laquelle il existe un jugement divin, une condamnation et un enfer. Dieu désire-t-il que les gens aillent en enfer? Non, car il dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pour aller en enfer, vous devrez piétiner la vérité énoncée par un Dieu de vie et d'amour. C'est cette vérité que vous avez entendue au cours de cette émission. Vous devez maintenant choisir entre l'obéissance et la rébellion. Prions. Père, nous te remercions. Nous n'étions pas dignes d'invoquer ton nom, de témoigner de ta vérité et de proclamer ta sainte parole, mais tu nous as rendus dignes. Je prie ton Saint-Esprit afin qu'il grave ce message profondément et avec force dans chaque cœur qui l'a entendu. Qu'il convainque une multitude de personnes à travers le monde que les hommes reconnaissent ta sainteté, leurs péchés et leurs besoins de Jésus-Christ. Dieu a pris toutes les dispositions nécessaires pour que vos péchés soient pardonnés. Il a fait subir le châtiment qui vous était réservé à son Fils Jésus-Christ. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est donc d'accepter le sacrifice du Christ sur la croix, de reconnaître qu'il a payé la dette de vos péchés et de reconnaître qu'il a été crucifié à votre place. Si vous n'avez pas encore fait ce pas, Charles Stanley vous a encouragé à prendre cette décision afin de permettre à Dieu de transformer votre vie en une vie sainte qui lui est toute vouée. Quant à ceux qui ont déjà pris cette décision, nous devons nous rappeler que la croissance spirituelle ne se fait pas toujours sans heurts ni douleurs. Nous devons alors nous laisser fortifier par les paroles de 2 Corinthiens chapitre 4 versets 16 et 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. Vous avez faim, vous avez soif, votre estomac est vide, votre cœur aussi. Les déjeuners de l'espoir peuvent remplir l'un comme l'autre. Un repas délicieux vous sera servi. Ensuite, vous pourrez entendre comment Jésus a transformé la vie d'une personne qui demeure près de chez vous. Peut-être est-ce un voisin, un ami ou un parent. Venez voir. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.